La souris et le lion. La petite souris tremblait. Presque tout l'effrayait. Presque tout était plus grand qu'elle. Non seulement elle était petite, mais elle se sentait également petite et insignifiante. Le lion n'avait peur de rien. Il était féroce et puissant. Convaincu que rien ne pouvait l'unir, il parcourait les lieux débordant de confiance en lui. Que les petits animaux aient peur de lui semblait l'amuser. C'est pourquoi, quand il vit la souris ramasser des graines à l'ombre d'un arbuste, il décida de frapper. Sa grosse patte s'abattit sur la souris et la coinça. La souris tremblait. « Oh, toi qui es grand, ne me mange pas !» dit-elle apeurée. « Et pourquoi pas ?» demanda le lion. « C'est sûrement tout ce à quoi tu peux être utile. »« Mais je suis si petite que je ne peux même pas te servir de repas, » dit la souris. « Laisse-moi partir et je serai ton ami pour toujours. »« Mon ami !» dit le lion. « À quoi peut me servir ton amitié » dit-il dans un rugissement. « Tu me fais rire, c'est bon de rire. » C'est pour cela que pour cette fois, je vais te laisser partir. Quelques jours plus tard, tout en marchant fièrement à travers son territoire, le lion remarqua que plusieurs pièges avaient été posés par des chasseurs. Idiot chasseur, pensa-t-il. Il s'imagine qu'ils peuvent m'attraper. Marchant avec précaution, il évita chacun des pièges. Tous, sauf un filet accroché dans un arbre. Rugit le lion, alors que le filet s'abattait sur lui. Il se débattit pour se libérer, mais même en essayant de toutes ses forces, il ne put y réussir. La souris, entendant tout ce bruit, sortit voir ce qui se passait. Quand elle aperçut le lion dans le filet, elle s'approcha et dit « Oh toi, qui es grand, je suis venue t'aider. » « Ce dont j'ai besoin en ce moment, dit le lion, ce n'est pas de rire, mais de force et de puissance. » La souris ne se laissa pas décourager. Elle se mit au travail. Fil après fil, elle rongea les cordes jusqu'à ce qu'il y ait un trou dans le filet et que le lion soit libre. Ce jour-là, le lion prit une bonne leçon et il était assez sage de l'admettre. Je t'ai mal jugé, petit ami. Trop souvent, nous sous-estimons les choses en raison de leur apparence. Si nous apprenons à regarder soigneusement, nous voyons que même la plus petite créature de Dieu a beaucoup à offrir. Voici comment un lion en est arrivé à comprendre cette vérité. C'est inspiré des fables de La Fontaine. Le lion et la souris.